Vous savez que pour nous, et jusqu'à une date toute récente, le Sahara, dit espagnol, devait inconditionnellement revenir à notre patrie. Car, comme vous le savez, géographiquement, ethniquement, cette partie du Sahara constitue réellement une partie de la Mauritanie. Mais, à cause de notre respect inconditionnel pour les principes de l'ONU, nous avons souscrit, comme je viens de le dire, au principe de l'autodétermination. Et comme nous sommes fidèles à nos engagements, nous respecterons donc le résultat de ce référendum d'autodétermination le jour où il aura lieu au Sahara. En novembre 1975, le roi du Maroc, Hassan II, rassemble 350 000 volontaires qui, au terme d'une impressionnante marche verte, permettent au Maroc d'occuper le Sahara occidental. Dans les 8 jours qui suivent, les accords de Madrid, signés par le Maroc, la Mauritanie et l'Espagne, entérinent la fin de la présence de cette dernière sur le territoire maintenant partagé entre Maroc et Mauritanie. Le 27 février 1976, les indépendantistes sahraouis du Front Polisario, soutenus par l'Algérie, proclament la République arabe sahraoui démocratique, RASD. Récit par Ralph Pinto, journaliste à France Inter.